Il y a plein de fois mort, vous avez entendu dire des... L'histoire de la femme morte. Ah, alors dites-moi ça, parce que c'est une... Vous savez, sûrement. Oui, mais comme chacun a un peu son histoire, qu'est-ce que vous avez dit? Eh bien, c'était une femme qui avait fait péché capitalement, qui avait attendu l'œil pour Dieu la punir. Attendez, dites-moi plus lentement que ça. C'était de récupérer une brave femme qui avait eu un enfant naturel. Et alors, Dieu, pour la punir, lui avait commandé de faire un trajet, porter une grande ardoise sur son dos et de faire un long trajet. Et quand elle est arrivée au plan de fond mort, l'enfant est mort. Plan de fond mort, c'est l'enfant mort. Alors, quand l'enfant est mort là, elle a continué son chemin, elle est descendue dans le ruisseau là-bas de Reynolds, par là-bas, et elle est arrivée. Au pont de Burgen, je crois, au Passadoir, à un pont là. Là, il y a eu une rivière, son âne s'est noyé. Ah, Négazès, c'est le pont de Négazès. Alors, l'enfant, l'âne s'est noyé. Elle a continué son chemin, elle est montée de l'autre versant, jusque là-haut, où c'était, comment ça s'appelle? Et maintenant, on dit la fin de mort, mais comment. Elle est morte là-haut, au-haut de la montagne, en portant toujours son grande ardoise sur son dos. C'était sa pénitence. Voilà. C'était du côté de Ruby. Mais comment on appelle cette montagne? La fin de morte, en patois. Ça s'appelle la fin de morte. Oui. Alors, l'enfant, point de fond mort, c'est l'enfant qui est mort. Là-bas, Négade, c'est l'âne qui s'est noyé. Et là-bas, c'est la montagne, la femme. Morte, la femme qui est morte, mais comment on son vrai nom là, c'est la femme qui est morte là, encore ça porte comme la le plan de fond mort, il y a le nom de cette femme, ça, la femme est morte là. D'accord. Là, ça a été raconté de plusieurs façons, mais enfin, toujours c'est la même signification. Oui, oui. Et l'endroit qui s'appelle Escuto Seplo, c'est un rapport avec ça, avec la vie. Escuto Seplo, là-haut. Oui. Ah, Escuto Seplo, c'est ici, en dessus de Carrochon-Escamus. Oui. Et d'où ça vient ce nom? Eh bien, ce nom, j'ai lu après l'histoire, j'ai habité une femme sourde. Alors, il pleuvait comme des cordes. Quelqu'un est passé par là, et alors il voulait demander son chemin. Elle a répondu. Escuto Seplo. Et après, on a baptisé ça, Escuto Seplo. Voilà l'histoire que j'avais entendue dire. Ah bon. Elle était sourde, alors on entendait plus voir, elle est sortie sur sa porte. Oui, oui. Mais enfin, dans l'abri. Quelqu'un était de passage, parce que c'était un ancien chemin. On passait l'ancien chemin à pied. L'ancien chemin à pied. Ah, la route n'était pas cassée à ce moment-là, sans doute. Oui. Alors, quand elle a vu cet homme, c'est pas une surmane, plutôt qu'une femme. Alors, elle demandait son chemin, l'autre. Et elle lui a répondu, Escuto Seplo. J'ai entendu dire ça maintenant. Oui, maintenant. Oui. Vous connaissez d'autres endroits où on raconte des histoires comme ça sur le nom de l'origine du nom, par exemple? Non, ça. Non, je ne vois pas. Et celle-là, je l'ai apprise, je l'ai lue sur les cœurs. Des rapports, sur des reportages qui ont été faits, et puis à plusieurs. Non, là-haut, il n'y a pas eu des combats, ou alors ça a été beaucoup plus ancien. Ça... Est-ce que vous avez entendu parler d'un endroit vers Traversa qui s'appelle la Fonde d'Annibal? La Fonde d'Annibal, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas où c'est. Je crois que c'est vers Témélac, là. Alors là, vous auriez Germaine Poujol, qui est native là, qui a 80 ans passé, qui pourrait vous dire où elle s'est. Oui, oui. Une cousine de Sully, la cousine Germaine de son père. Ah, d'accord. Oui. Et qu'est-ce qu'on a dit de cette fonte d'Annibal? Je n'ai pas du tout. Non. J'en ai entendu parler en parlant avec des voitures à faire le tour, à se promener voir, parce que maintenant on a arrangé la route, on a fait le tour de monter d'un côté et descendre de l'autre. Alors, la pointe d'Annibal, mais qu'est-ce que ça représente, quel rapport ça a, je n'en sais rien. Et ce que vous disiez, l'ordre des Dieux, là, qu'est-ce que c'est ça, l'ordre des Dieux, alors, à Mara? L'ordre des Dieux, je me rappelle que j'ai entendu parler de ça, parce que c'était un homme, un vieux, je crois qu'il était un peu moins boiteux, un vieux garçon, qui habitait là, l'ordre des Dieux, au Koubiak, qu'on appelait autrefois. Oui. Koubiak, c'était le nom. Comment il s'appelait pour son autre nom, c'était sûrement un surnom ou Ah, c'était le nom de ce vieux Caubiac. Caubiac, c'était le nom de celui qui habitait. De, et qui habite l'Ordre des Dieux. Et pourquoi ça s'appelait l'Ordre des Dieux, là-haut Le jardin de Dieu, en français. Ouais. Ouais. Je n'ai pas assez d'explication pourquoi on l'appelait ça. Et est-ce qu'il y avait des, des ruisseaux sur lesquels, ou des pierres, ou des, sur lesquels on racontait des histoires, ou des comme ça? Non. Des grottes. Est-ce qu'il y avait des grottes sur de, où il y a dans le caché? Coin, non, ici, je ne... Non. Il y a des avens sur la côte de... Des avens sur les côtes, là-haut. Oui, là, sur la côte de l'hospitalier. Il y a des labognes qu'on appelle. Oui. Mais... Ou des grottes où les gens se seraient cachés, il n'y en a pas. Il n'y a pas de grottes là. Non, il n'y a pas de grottes dans la région. Non. Ou des abris, quoi, je veux dire. Des rochers, mais pas pour vous abriter longtemps. Non. Ça va, une averse, mais pas pour. Non, pas pour pouvoir y habiter, coucher derrière. Il n'y a pas de grottes là, dame. On racontait des histoires de fées, autrefois Non. Des fados, il y en a Non. On n'était pas superstitieux, loin de là, à la maison. Ah. Et alors, ces histoires-là, non, ça. Parce qu'il y a des endroits qui s'appellent comme Louron, je sais, vers. Louron del Lac. Ah, Louron del Lac, c'est quoi ça, Louron? Louron de la Tourte. Il y a un rocher là en face qu'on appelle, j'ai jamais été, qu'on appelle Louron de la Tourte. Et ce qui paraît les plats. Une tourte, autrefois, c'était une miche de pain. Ah oui. Il y a un endroit qui. Là-haut. C'est en face? En face, il y a des. Au-dessus de. Juste en face, là. Il y a d'autres pains là-bas. Vous voyez, d'autres. Oui. Ah oui, Louron de la Tourte. Louron de la Tourte. Mais c'est là qu'il y a la route de. Il n'y a pas une route qui passe derrière? Non, c'est en cima de la montagne. C'est de l'autre côté la route de Gabriac. Mais oui. Elle est dans la vallée. Et celle qui monte de Gabriac au Pompidou, elle ne passe pas là? Ah, mais elle passe d'abord, mais elle va suivre le ruisseau en bas, puis elle vient sortir ici, au banquet. Au banquet, ah, mais plus non, haut. Non, pas au banquet. À Rubeirolo. Ah oui, à Rubeirolo, oui. Et elle sort ici beaucoup plus. Mais c'est la même crête, ça, non? C'est la même. C'est le même cerf, ça, non? La route de. Elle sort en seconde. Ah, juste là. C'est Rubeirolo. Oui. Et tandis que le banquier est là-haut. Oui, Rubeirolo, c'est là. C'est derrière. Donc ça descend, c'est la crête qui descend. Le banquier peut descendre dans le ruisseau. C'est pas la montagne, c'est comme de là et ça. Alors oui. La route de Gabriac, c'est comme la route de Sainte-Croix, oui. Et de l'autre côté. D'accord. Mais ça, c'est au-dessus de la route de Gabriac aussi, le rond de la Tourte. Oui, c'est comme. C'est pareil de la vague à la distance comme il y a de ce côté-ci. Ah, d'accord. Et il y a une histoire sur ce rond de la Tourte? Non. Ce rocher, le rond de la Tourte, c'est tout ce que j'ai entendu dire. Moi, les empaillés sont montés plus ou moins, mais moi, jamais j'ai eu le temps. Le rond des lacs, c'est où alors? Mais c'est la route Saint-Romane. Il y a le lac, le laquet, tout ça, mais. Ah, là-haut? Oui, la route à Corniche. Ah oui, et il y a un endroit qui s'appelle le rond des lacs. Oui, mais où c'est, je ne sais pas. Ah, et ils se racontent de l'histoire sur non, ce non, nom? Non, des noms comme ça, mais je n'ai pas entendu. Parce qu'à Gabriac, il y a un endroit qui s'appelle le rond des las Fados. Le rond des? De las Fados. La Fado, c'est à dire. De las Fados, des fées. De la Fado, de la fée. La fave en patois, c'est un haricot. Non, de la fado. La fado, hein, c'est... La fado. Alors là, pour cette histoire-là, c'est du Mabastide qui peut vous renseigner. Mais un endroit vers chez vous qui s'appelle la fado, comme non. Ça, il n'y en avait pas sur non. Non, il n'y a pas de là-haut, il n'y a pas. Sur, y a, j'ai pas entendu dire là-bas, à Montlezun, des histoires sur. Non.